Un camarade, un copain, c'est peut-être mieux que l'amour, en tout cas, c'est autre chose. Quelle femme, quelle épouse comprendra jamais les liens d'amitié qui peuvent unir deux hommes au-delà des épreuves, des disputes, des mariages? Au-delà de la mort, peut-être. Jean-Marie, où étais-tu encore passé? Ça fait une heure que je hurle pour te faire revenir. Mais nulle part, j'étais là. Ah, encore fourré avec ce voyou de Samuel, je parie. Mais vous pouvez donc pas vous décoller 5 minutes? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, hein? Il n'est pas tellement intelligent, il a une tête impossible, il est pas drôle. Voilà ce pauvre Samuel Gruber, habillé pour le compte. Dame, la mère de Jean-Marie Drolling ne fait pas dans le genre aimable. Mais que peut-elle comprendre à l'amitié de deux gamins de 10 ans? Peut-être ont-ils simplement tous les deux des mères à la main à l'est? En tout cas, contre vents et marées, l'amitié de Samuel et de Jean-Marie se révèle en acier. Au moment de l'adolescence, ils tombent amoureux des mêmes filles, mais restent liés comme deux doigts de la main. Et puis vient le moment du service militaire. Pour eux, les choses s'aggravent, car Samuel et Jean-Marie sont alsaciens. Ils font partie des malgré nous, et se retrouvent bon gré mal gré sous l'uniforme allemand. Samuel, je viens de recevoir mon affectation. Je suis envoyé au 13e régiment d'infanterie de la Wehrmacht, 3e compagnie. Formidable, Jean-Marie. Ah bon? C'est tout l'effet que ça te fait? J'ai bien envie de prendre mes clics et mes claques et de filer en zone libre. Mais t'es fou, et ta famille? Tu y penses à ta famille? Hein? Ton père, ta mère, ton frère, ta sœur Christelle. Tu sais ce que les cheleux leur feront si tu te défiles? Non, si je dis formidable, c'est tout simplement parce que moi aussi, je viens de recevoir mon bulletin d'affectation. Et devine, ben moi aussi, je suis affecté au 13e régiment d'infanterie. Et moi aussi, je pars pour la 3e compagnie. On va être ensemble. À deux, on se débrouillera mieux. Jean-Marie est un peu consolé. Et puis cette foutue guerre, peut-être qu'elle ne va pas durer si longtemps après tout. Peut-être qu'ils arriveront à ne pas tirer un seul coup de fusil. On sait à présent qu'ils se trompent en croyant cela. Ce que Samuel et Jean-Marie ignorent, c'est qu'ils vont se retrouver loin de chez eux, très très loin, sur le front russe. En plein dans cet hiver qui fait que les hommes morts restent debout, congelés sur place. Jean-Marie! Jean-Marie, ça va? Tu m'entends? On va pas tenir longtemps, il faut se replier, tu m'entends? Dans l'obscurité, déchiré par les balles traçantes, au milieu des rafales de mitrailleuses, des explosions qui ébranlent la terre russe gelée, Samuel appelle son copain Jean-Marie. Mais personne ne répond. Mais enfin, pourtant, il est là, j'en suis certain, il y a 3 minutes, je l'ai encore vu. Samuel rampe dans la neige, sur les coudes, au moins le froid empêche qu'il ne patauge dans la boue. Un gémissement retient son attention. Jean-Marie, c'est toi? Jean-Marie, qu'est-ce que tu as? Tu es touché? Jean-Marie est là, à moitié empêtré dans des fils de fer barbelés qui lui déchirent le visage. Il parvient à gémir. « Je suis foutu, Samuel, c'est trop tard, j'ai mon compte. Occupe-toi de ma petite Christelle. Épouse-la. Et pensez à moi pour votre premier fils. » « Mais enfin, tu dérailles. Mais attends une seconde, je vais te sortir de là. Je vais te porter jusqu'à l'ambulance. » Samuel commence à s'activer. Avec son poignard, il cisaille les fils de fer barbelés qui s'accrochent à sa capote vert-de-gris. Jean-Marie ne bouge plus, il a fermé les yeux. Samuel crie, Jean-Marie, ne t'endors pas! Avec ce froid, il faut que tu restes éveillé, réponds-moi! Samuel n'entendra jamais la réponse de Jean-Marie. Une énorme explosion le projette dans l'inconscient. Quand il se réveille, il est couché sur un lit de camp. Des médecins allemands s'affairent autour de lui, sans enthousiasme. Ils savent que ces soldats alsaciens ne font pas preuve d'une fidélité à toute épreuve envers le Führer. Samuel a cependant la force de demander ce qui lui est arrivé. « Oh, t'as de la chance d'être encore vivant, camarade. Dans le trou d'obus où on t'a trouvé, t'étais le seul à être encore entier. Tous les autres, ils étaient suspendus dans les arbres. Dans plusieurs arbres pour chacun. » Jean-Marie. A-t-on des nouvelles de Jean-Marie Drolling, mon copain? On ne s'est pas quitté depuis 15 ans. L'infirmier fait une moue dubitative. Jean-Marie Drolling, inconnu au bataillon. En tous les cas, on n'a eu personne de ce nom-là ici. S'il avait été encore vivant, Il n'aurait pas pu aller ailleurs. Alors c'est donc vrai. Jean-Marie est mort. Que va devenir Samuel sans Jean-Marie? Jamais, il en est certain, il ne pourra retrouver un aussi bon copain. Jamais il ne connaîtra une telle amitié. La guerre est terminée au moment où Samuel sort de l'hôpital, mais il est libéré, si l'on peut dire, par les Russes. Et ce seront 4 nouvelles années de souffrance. Samuel se retrouve expédié en Ukraine comme prisonnier de guerre. Les Russes, qui ont beaucoup à reprocher aux soldats du Reich, ne font guère de différence entre les Alsaciens enrôlés de force et les autres Allemands plus ou moins enthousiasmés par le Troisième Reich. Samuel se retrouve dans un village perdu, affecté à la garde des cochons. Les habitants ne le traitent guère mieux que ses bêtes. Et puis les choses changent. Samuel, tu me plais beaucoup. À présent, Samuel parle assez de russe pour comprendre ce que vient de lui dire Natacha, une forte fille aux joues roses. Ce sera un peu de tendresse dans un monde très hostile. Jusqu'au moment où Natacha lui annonce les larmes aux yeux. Samuel, tu vas repartir chez toi en Allemagne. Mais je ne suis pas allemand, je suis français, alsacien. Ça fait 4 ans que je te le répète, alsacien. Oh, tu m'as fait peur. J'ai cru que tu allais me dire que tu étais enceinte. Mais aussi ça, Samuel. J'attends un bébé. Bébé ou pas bébé, Natacha ou pas Natacha, personne ne demande l'avis de Samuel pour le réexpédier vers la France. Il rentre au pays, mais sa joie est bien vite teintée de mélancolie. Mon pauvre Jean-Marie, toi aussi, tu devrais être revenu avec moi. Ma pauvre Natacha, te reverrai-je un jour et cet enfant, hein? Me revoilà éclopé, sans copain, sans amour, et loin du seul enfant que j'ai jamais eu. Quelle saloperie, la guerre. Après de nombreuses étapes, des tris, des papiers scrutés à la loupe, des contrôles sanitaires à n'en plus finir, Samuel se retrouve enfin dans le train qui le ramène vers son village alsacien. Voilà 8 ans qu'il n'y est pas revenu. Sont-ils prévenus de son retour? Quelqu'un de la Croix-Rouge lui a affirmé que oui, mais allez donc savoir. Quand on se nomme Samuel Gruber, qui sait si personne n'a commis d'erreur d'aiguillage? Samuel laisse son esprit vagabonder. Et si Jean-Marie était déjà arrivé? Eh, s'il n'était pas mort après tout? Peut-être qu'il sera là, sur le quai de la gare, quand je descendrai du train, il sera là, il me fera sa petite grimace habituelle, celle qui signifiait « J'ai bien eu, petite tête de couetch !» Samuel en est là de ses rêveries, quand ses yeux s'agrandissent. « Jean-Marie, par Saint-Odile, Jean-Marie !» C'est bien Jean-Marie Drolling qui est là, dans le couloir, de l'autre côté de la vitre. Samuel a les jambes coupées, il n'a pas la force de se lever. Dans le couloir, Jean-Marie. Jean-Marie qui le regarde fixement. Mais il porte encore la capote vert de gris des troupes allemandes. Samuel se dit, pauvre Jean-Marie, il n'a pas trouvé de quoi se changer pendant toutes ces années. Dieu sait où il a dû les passer. Moi, au moins, ils ont réussi à m'habiller presque comme un être humain. Bouge pas, Jean-Marie, j'arrive. Mais avec le bruit du train qui marche, Jean-Marie ne semble pas entendre ce que Samuel lui crie. Samuel qui a du mal à se frayer un passage entre les autres voyageurs du compartiment. Tout le monde semble se déplacer avec un maximum de bagages. Tout un capharnaüm de valises ficelées, de paquets, autres ballots. Jean-Marie regarde Samuel et lui fait un geste du menton. Samuel reconnaît aussi cette mimique-là, elle signifie « Je passe devant, suis-moi ». Bougre de Jean-Marie, ça te ferait mal d'attendre que je sorte de ce foutu compartiment? Oh, tu ne changeras donc jamais! Quand Samuel se retrouve dans le couloir, Jean-Marie n'a pas attendu. Samuel se dit, mais comment il s'y prend ce bourre? Comment est-ce qu'il arrive à passer si vite parmi tous ces gens et leurs enfants et leurs valises? Pourtant, il n'a pas maigri depuis le front russe. Jean-Marie disparaît et s'engage dans le soufflet. Quand Samuel parvient à l'accordéon bruyant qui relie les deux wagons, Jean-Marie est déjà au milieu du couloir du wagon suivant. Et partout, la même foule, les mêmes gens au visage fatigué assis sur leurs valises. Samuel bouscule tout le monde. Il ne s'excuse même plus, il bougonne. Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Il pourrait quand même m'attendre. Jean-Marie, sacré bourrique, à quoi tu joues? Enfin, Samuel parvient au bout du train. Mais Jean-Marie a disparu. Complètement. Après le dernier soufflet hermétiquement fermé, il y a la locomotive. Samuel crie en dialecte alsacien. Jean-Marie, où te caches-tu? Samuel frappe sur la porte des toilettes les plus proches. La porte s'ouvre. À l'intérieur, une brave mère de famille est installée avec 2 mioches sur les genoux. C'est le seul endroit libre qu'elle ait trouvé pour voyager. Samuel revient sur ses pas. Devant chaque compartiment, il s'arrête un moment pour dévisager chaque voyageur. Parfois, il croit reconnaître un visage, mais personne, en tout cas, n'est habillé en soldat de la Wehrmacht. D'ailleurs, quelle drôle d'idée. C'est un coup à se faire lyncher. Quand Samuel, complètement désespéré, revient dans son wagon, il parle à haute voix, mais personne semble y prêter attention. « Mais c'est pas vrai, Jean-Marie. Tu vas pas me faire ça, pas maintenant !» Alors un train sur l'autre voie passe à grande vitesse. Puis un choc énorme jette tous les voyageurs pêle-mêle les uns sur les autres. Dans un enchevêtrement de valises, d'enfants qui braillent, le train s'arrête. Samuel met près de 3/4 d'heure pour rejoindre le compartiment où il voyageait. Un groupe compact embouche l'entrée. Et quand Samuel parvient jusqu'à la place qu'il occupait, il comprend soudain la raison de l'apparition de son cher Jean-Marie. Si le train s'est arrêté, c'est à cause d'un accident. Le convoi, qui voyageait en sens inverse, était chargé de poutres de béton. Pour une raison inconnue, le chargement s'est déstabilisé et une poutre est venue éventrer la place que Samuel Gruber occupait. Il y a 2 morts dans le compartiment. Si Samuel Gruber n'avait pas cru voir Jean-Marie Drolling, il serait mort aussi.